pantoufles, où sont passées mes pantoufles? Où sont passées mes pantoufles, mes pantoufles? Où sont passées mes snoubouts? Mes pantoufles, mes pantoufles, mes pantoufles, tout, tout, mes pantoufles, mes pantoufles, mes pantoufles, tout, tout. Où sont passées ces pantoufles, hein? Rita Brisebois. Eh, hey, y'a pas de fou à ça, moi, je fais juste le ménage. Ben oui. Parce que c'est une vedette, là. Vous sniffez ces pantoufles? Pas du tout. Pas que je n'ai jamais essayé ça, monsieur. Hé, hey, madame. Madame, on va vous passer un test d'ivresomètre. Mais non, elle a rien pris. Que, moi, je suis pas certain, moi. On va faire passer des tests. Lesquels? Avez-vous la liste des tests? Oui. Il y a le dépistage du rida. Êtes-vous ridé, rida? Non, je fais un petit peu, mais ça, c'est parce que je souris trop. Bon. Arrêtez de sourire. Ben, c'est parce que je peux pas m'en empêcher. Bon, OK. C'est... Moi, c'est parce que c'est un manque de courant. Vous savez qu'il y a des caplettes au niveau cervical? Non, moi, je veux pas. Mais j'ai 21. B37. J'aime ça, le bingo. B12. B13. B14. Mais allez-vous continuer de même? Ah, ben attendez, je n'ai pas fait mon bingo. Il faut la carte pleine. Vous êtes un être indigent? Non, c'est indigent. Indigent? Indigent, c'est aussi. J'ai mangé de la patate frite, moi, là. Je vais aller voir mon contremaître de patates. Oui, il dit, mon petit champion, deux roteux, un friteux. Non, c'est pas ça, c'est deux roteux, un graisseux. Là, il m'a dit graisseux, graisseux à volonté. Là. Je veux tenir le sac en papier brun, là, puis sentir toute l'humidité de l'huile là, sur mes doigts, là. Un peu comme lorsque je me fais faire vous savez, là, on me dit, allonge-toi. Calme-toi. Endors-toi pas. Il faut que tu sentes la misère. Il faut que tu sentes la souffrance. C'est comme ça si tu veux évoluer. Pas de souffrance, pas d'évolution. Là. Nous, on fonctionne selon le registre du christianisme. Souffrir pour mieux aller au ciel. Là, il n'y a plus de place là-dedans. Là. On fait quoi au monde? Là? Soyez gentils, faites le bon, pas le mal. Et puis, tout le monde est gentil. Bon, on vous embrasse. Il n'y a plus de place en haut. Il n'y a plus de place. Si vous vous placez, là, montez un petit peu. 3 étages supérieurs, pas inférieurs, parce que là, on monte pas, on descend. C'est comme, là, depuis 11 minutes, là, on a descendu. Là. C'est quand RL m'offre la chance, hein, de descendre légèrement le niveau intellectuel de l'animateur. Ça, c'est très simple. On a dit, Redal Gagné va aller là, c'est lui, il a glissé là-dedans quand il était petit. Là. Il s'est même éraflé le moineau. Et, ben oui, il y a le moineau tout enflé. Regarde-moi ça. Là. C'est ça, il se met le nez n'importe où. Enlève-toi le moineau de là, puis oui, mais moi, j'étais curieux, moi. Ben oui, un curieux. La curiosité va t'amener à des endroits où tu ne voudras plus revisiter la présence de tout ce qui risque de chercher. Ça va bien. Hey, merci, vous m'avez sauvé, vous, là. On vous a pas demandé si ça allait bien, là, mais je m'y intéresse. Là. Est-ce que ça va, vous? Ça va bien. Bon, les enfants? Ça va bien. Bon, il n'y en a même pas. Pas d'enfants, lui. Il n'en mérite pas. Il n'a pas de permis, lui. Imagine-toi, son QI. Non, maintenant, c'est même plus le quotient intellectuel hein, qu'on examine. C'est l'émotivité. On peut savoir si t'es intelligent, on peut savoir si t'es sensible. Bon... Veux-tu en verser une? Ben, s'il vous plaît, j'aimerais ça diluer parce que je crois pas que je vais finir la soirée d'une manière acceptable et digne. On parle beaucoup de dignité depuis quelques années, hein. Alors, je veux terminer digne. Ding! Et on sonne, on sonne. Ding! Elle va répondre. Ding! Oui, allô, madame Thibodeau, vous êtes à... Vous êtes arrivé directement, là? Oui. OK. Ben, on vous avait demandé de monter en haut, hein? Oui. Bon, ben, c'est très bien. Vous avez mis les disques? Oui. Combien? Trois? Oui. Bon. On est bon pour 15 minutes d'émission, hein? C'est pas Bobby Lapointe? Oui. Ah non, c'est 2 minutes par chasseur. Ça fait 6 minutes. Comment on va remplir le reste? Oui. Oui. OK. Pourriez-vous, madame... oui, on va arrêter les directions, monter, descendre. Ça, c'est, lorsque j'étais petit... Parce que j'ai déjà été petit, madame. Oui. Elle me fait signe. Elle me fait signe que non. Ouais. On la garde pas. Virez-la. Virez-la. Sortez-moi ça de là. Madame, on vous remercie. À la prochaine. Hein? Pardon? Ouais. Je sais que l'émission vient de commencer, là. Non, non, on vous met. Ben, voyons donc, vous n'êtes pas congé. Ben, c'est du bénévole. Bon. Ouais, le plan. Voilà. Merci. Poussez-la, poussez-la. Merci. Ferme la porte, ferme la porte. Borde, borde, borde. Je suis comme ça qu'on se dit, non, non, mais voyons d'or, professionnalisme, là, ça demande un certain respect, là. On fait pas ça de n'importe comment, tout croche, là. Quoi que c'est le but de l'émission. Ouais, plus c'est croche, meilleur c'est comme la tour de Pise. Je peux-tu la faire? Non, on l'a déjà. Oui, OK. Alors, Albert Einstein n'était pas très, très fort, hein. Il n'arrivait même pas à lever 100 livres. Oh, on dit, ah, oh, c'est un des plus. Ben oui, il est dans le moins. Ah, oh, non, non, je vous dis. Vous connaissez rien des savants? Ben voyons, j'en connais des savants, moi, là. je vais vous en nommer deux. Savants, savants. Ça vend pas beaucoup, c'est des savants, là. Ah, oh, bon, ça fait pas une maudite scène, ça. Pas avec ça qu'on monte une économie, les savants. Là. Les idées, ça peut être payant, là, mais les connaissances, c'est peut-être un peu moins. Hein. J'en ai délivré la semaine dernière une à mon ami M. Soulier. J'ai dit, mon ivory, c'est ça la vie. C'est mon adage à moi, je l'ai inventé de ma tête. J'ai envoyé ça à ivory.ca. Excusez-moi, je fais de la publicité, là. ivory.fr. ivory.com in English. Là, j'ai dit, on va voir c'est quoi la version anglais, là. C'est « My ivory, c'est Chalavis ». J'ai dit, c'est ça la vie. C'est, ils vont m'envoyer chez un concessionnaire de meubles, prêt à monter. Et moi, quand j'entre là, dans ces magasins-là, vous savez, vous achetez une chaise, c'est dans une boîte. Là, il faut monter la boîte. Puis là, à l'intérieur, il y a la chaise. Il faut monter la chaise. Puis après ça, il y a une fille. Il faut monter la fille, l'installer sur la chaise. Là, visser la fille, la chaise, la boîte. Ah, bah, hey, ça prend 3 ans et demi à botter tout ça. Ça prend la poussière, puis à bas de dé, ben, j'ai plus d'espérance. Oh, j'en veux plus de chaise. Ça me tente. Mais la fille, m'intéresse, moi. C'est quoi? Ça, c'est un carton-pâte. À qui? Un carton-pâte. Un carton-pâte. Bah. Mets ça dans le carton-pâte. Normalement, c'est un élixir de babouche. Ben oui, tu mets ça dans l'eau, là, puis ça se défait pas, ça se tient, c'est coriace, là, hein? C'est de la... Ça ressemble à de la peau, hein? Mais c'est pas de la peau. Comme disait mon ami... George Orwell, 1984. Ça goûte la viande. Ça ressemble à de la viande. Mais c'est pas de la viande. Hey, 1948, c'est ça. Oui, le roman 1984, mais en 48, il a inversé. Là, dans sa tête, il disait, ah, j'ai trouvé le concept, moi, là, ouh, je suis un écrivain, moi, ouh, un créateur, ouh. Nous sommes en 1948. Pékin vient de s'échoir. Le séchoir vient de tomber dans le bain. L'électricité vient de naître. Voyons donc, 48, c'était né. Arrête! C'est qui la connaissance? Pas toi, là! M'appelle George Orwell, moi. Qui? George Orwell. Oh! Comment ça va? Ça va très bien. Vous appelez George Orwell. OK. Hey, on le sait qu'il s'appelle George Orwell. Hein? On ne lui demandera pas une autre fois. On dirait qu'à chaque fois qu'il mentionne son nom, il monte de 2 étages. À un moment donné, il va être plus haut que King Kong. Là, King Kong, il a encore sa petite créature. Là, comment elle s'appelle? J.C. Collins. Ouais, mais ça, c'est la version 80. C'est de la chenoute. De la grosse chenoute. Pas digérable. Là. Celle qu'on aimerait bien faire. Ça va bien, oui. Non, mais la grosse chute qu'on voudrait jeter, même pas recycler, C'est meilleur la première version, là. Hey, 1929, quand tu criais. Ça, c'est quoi, ça? Mais ça, c'est le cri de King Kong, en 1929. Oh, OK, c'est du muet. C'est du muet! Le poil s'irissait de King Kong. Ah non, ben non, du spectateur. C'est la première fois que vous avez une bébête gigantesque là, sortir là, d'une usine. Là. Bon, mais c'est du muet. Ah ouais, mais non, mais dans ma tête, pour moi, ça faisait... Ouais, mais là, t'avais un court-circuit. Ouais, mais faut dire que j'avais le cheveu incarné. J'avais deux cheveux incarnés qui se touchaient à l'intérieur. Puis c'est comme une monigule inflammable. Non, flammable, pas inflammable, parce qu'inflammable, ça flamme pas. Hein? Ouais. Pas intelligent, moi, là. Moi, j'ai des textes à lire, là. Écoutez, c'est écrit « Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent même pas Tarzan, ni Jésus, et encore moins Mae West. » Le double Mae West, c'est bon. Ah, oh, après ça, t'as plus faim, hein? Ah! Oh. Alors, donc, Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance Reynaldienne. Ouais! Oh, je me croirais dans un spectacle de... Ça va bien? Ça va très bien. Arrête de me dire ça, là! Vas-tu patenter ça jusqu'à la fin de l'émission? On va demander... Attendez, nous sommes 18 ici en studio. 17? Ah oui, c'est vrai, l'autre vient de s'évanouir. Hey, panne sèche, hein? Tout le monde cherche de l'eau. Ouais, il fait chaud, c'est humide. Ça fait des bonnes émissions. Mais, ben, il y a Rita Bibelot qui vient d'avoir un tout petit. Oh, que c'est bravo, bravo Rita Bibelot. Oh, où il est, le petit? C'est le mari qui regarde le tout petit? Bon, deux bébés ensemble, hein? Le mari puis le tout petit. Hey, vous avez du travail, vous, là? L'autre doit être jaloux. Le mari, quand on a un enfant, là, oh, là, il dit « Ma place, c'est où ma place depuis que tu as eu ta... Hein? Tu voulais avoir une poupée? T'as une poupée? Ben voyons, adore. C'est pas une poupée, hein, ma belle Rita? C'est un beau petit gamin. Ah, oh, une gamine. Une belle petite gamine. Bon. Elle a quel âge, là? 20 minutes. Bon, hey, elle a 20 minutes. Ah, c'est pour ça que vous êtes en sang encore. Vous pouvez aller prendre une douche en arrière, là. On va continuer. Mais non, on va. OK, on attend. Avez-vous une chanson? Yeah, oui. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais. Elle n'est pas partie encore. Va prendre ta douche. Toi qui m'aimais. Et nous vivions tous. Non, vous ne voulez pas? Ah, vous voulez attendre la fin de la chanson? Ben, c'est pas une bonne idée. Restez là, là. Continuez à saigner. On va. Passe la mope là-dessus. Ça va tout briser mon prélat. Du nouveau prélat blanc. J'ai dit à ma charmante épouse, mais pas du blanc, ça tâche. Elle dit, toi, t'es bien blanc, puis tu tâches. C'est vrai, c'est moi, ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va. Allez, arrête-toi. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà fait. On n'a pas peur, non? Parce que, on va dire à nos enfants, ben oui, papa te le dit depuis le début, là. Ben, n'aie pas peur du ridicule, ça ne tue pas. Écoute le monsieur à la radio là, le vendredi à minuit. Là. Mon oncle Rénal de l'enregistre. Ben, c'est-tu son émission à Rénal? Oui, il enregistre sa propre émission. Il fait de la propre. Ben oui, c'est un incro. Oh, c'est fou, hein? Il faut les laisser tranquilles, ceux-là. Là. Laissez-le se bercer, il est content, là. Il est heureux. Il parle tout seul. C'est une transe. Bon. Surtout, donne-lui rien à manger. Là. Il va grogner puis il risque de sauter dessus. Non. Il a déjà mordu trois dentatrices. Potatrices. Tentatrices. Et puis chauve. Ça n'avait pas un tu te plais pas. Non, OK. Il y a une censure, là. Madame la sucette, non, la censurette. La censurette, vous avez coupé, hein? Oh, non, il est déjà coupé, lui. Ah, OK. Au niveau des deux tempes, oh, mon Dieu. Ils ont oublié de recoudre tout ça, là. C'est en train de tout dâcher. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Pourquoi je ris? Ça met de l'ambiance. Les gens aiment ça. Quoique, j'aimerais bien ça faire... Une certaine émission, là. Ben, pas une certaine. Mon émission avec des rires en canne. Vous savez, là. Préenregistré, là. Oh, ça serait merveilleux, hein? 5 minutes, c'est drôle, là, mais 2 heures, c'est long. Je sais pas, là. Puis si je trouve ça drôle, est-ce que j'ai le droit de rire? Si je trouve pas ça drôle, j'ai-tu le droit de pas rire, moi, là? C'est pas parce qu'on me fait placer en canne des ha ha ha ha que c'est nécessairement drôle, là. On enlève-tu l'intelligence du genre humain pour mettre des rires préfabriqués? La vie est assez préfabriquée de même, Madame Thibodeau. Quand on rencontre du monde qu'on veut pas voir, on est bien obligé de dire « Bonjour, ça va bien? » Même on s'en fout éperdument, on aimerait ça dire « Tu m'as pas vu? Je t'ai pas vu? On s'est pas vu? On s'en va? On se croise et c'est terminé. » OK? Non, non, mais non, mais non. Là, c'est le décorum. Décorum. Là, ta voix arrivée de loin, là, tu dis, oh non, pas elle, là, pas elle. Là, tu commences à écouter de la musique et à te mettre dans une autre ambiance. Mais là, la voix, là, Serena. Là, tu veux traverser la rue, mais là, elle t'a vu, donc tu peux pas vraiment. Et là, tu t'arrêtes, tu fais semblant de travailler, de chercher une chanson sur ton baladeur. Tu te tournes juste à peine pour ne pas l'avoir dans ton angle mort. Ben, en fait, de te la placer sur... Parce que c'est, moi, je vois des choses sur mon angle mort. Ben. Et j'en vois-tu des gens qui sont partis? Oh, tout est mort là-dedans. Je vois mon petit raton laveur que j'ai donné à une maison de repos pour qu'il repose en paix. Il était vivant avant. Mais il s'est trop reposé, il est mort. Il aimait ça, le raton laveur. Il aimait ça quoi? Laver, c'est un raton laveur. Oh, il avait quoi? Il avait ses mains. Il prenait ses mains, ben on appelle ça des pattes, mais moi, j'appelle ça des mains, parce que c'est des mains, c'est pas des pattes. Ben ouais, mais il y a une différence entre des mains et des pattes. Ben, pas pour mon raton laveur. Non, pas parce que mon... Est-ce que je peux vous expliquer? Ben là, c'est pas vraiment intéressant. Ben là, ça, c'est pas intéressant. Sais-tu pourquoi on appelle ça un raton laveur, toi, mon imbécile? J'ai une petite idée. Bon, OK. Veux-tu rester là-dessus? Non, non, non. C'est parce que tu places un seau d'eau devant un raton laveur. Puis là, il va prendre ses petites mains. C'est pas des mains, c'est des pattes. Hey, veux-tu me lâcher la patte, toi? Veux-tu que je te donne un petit... Excuse-moi. Tu places un raton laveur devant un seau d'eau. Un seau, c'est toi, là, rempli d'eau. Oh mon Dieu, merci, vous me rendez hommage. Oui, c'est ça. Mêle tes conjugaisons, toi, mon petit zéro. Ta misère entre le présent et le repassé. Là, on te dit, arrête de repasser ton linge, ça va jaunir, c'est du blanc. Il continue. Oui, mais il n'y aura plus de... Ça ne sera plus frippé, maintenant, ça ne sera plus frippé. Pose donc ça sur ton visage, il ne sera plus frippé là, également. Alors, le raton laveur, madame, on s'excuse infiniment, on va vous raconter comment ça on a parlé. De toi, bingo. Hey, tu chopes mon cœur! Vous placez un seau d'eau devant un raton laveur. Le raton laveur va s'amuser, il va prendre ses deux petites mains, là, ses pattes. Il va prendre ses deux petites pattes mains, là, puis il va jouer là-dedans. C'est pour ça qu'on appelle ça le raton laveur. C'est beau! Hein? Fait que je l'ai envoyé dans une maison de repos. Et il s'est plus réveillé. Pauvre vieux. C'était mon meilleur ami. Fait que là, tu fais semblant d'être dans ton angle mort. Là. Tu vois tous les morts de ta vie. Là. Si t'es petit, ben, il n'y a pas beaucoup de morts. Là, quoi. Ton chat, ton oiseau. Qu'est-ce qui peut mourir? Ton grain de sable. T'sais, tu joues avec un grain de sable, puis pouf, il est mort. Oh non! Ah, c'est ma première mort, maman. Mon grain de sable est mort. On va l'enterrer. Là. Où ça? Ben, sous le sable. Pas avec toutes les morts. Ah, mon, c'est vrai. Tous les grains de sable sont morts. Hein, on va ramasser ça. On va mettre dans une grande boîte. J'aurais dû jamais dire ça. Dans notre cour, c'est juste du sable. Puis là, lui, dans sa tête d'enfant, il s'est dit, ah, tout est mort là-dedans. Tout le sable est mort. Ah, on a en fait des messes par-dessus des messes. Je pense qu'on est rendu à 365 jours de messe, madame. On vivra pas assez vieux pour... On a toute la bobine sèche, puis on sait plus quoi faire. On va appeler la psychologue des enfants, la psychologue pédopédapeute. Là. Ah, allez-vous pouvoir nous aider? Elle fait des grands signes que non. Ah, que non, que non, que non. OK. Alors, c'est ça, là, tu fais semblant de ne pas la voir. Alors, encore l'histoire là, de la fille qu'on ne veut pas rien, parce qu'elle sait que, mais nous, on ne veut pas que... Ça va bien? Ça va très bien. Ça a duré longtemps? Oui, c'était pour rassembler ma neurone. Elle était partie vers le... Ping, ping, ping! Un peu comme, tu appelles ça... Une boule de flipper. Je suis comme une boule de flipper qui tourne. Et puis donc, là, je vais jouer avec mon petit truc, là. J'ai mon petit truc baladeur, là. Parce que mon autre petit truc que je joue jamais dehors avec, je me suis fait arrêter par la police hier soir. Ils m'ont dit, constable mieux. Oui, moi, c'est réel. Oui, monsieur, vous jouez avec votre petite affaire? Oui, ben oui. Et c'est vraiment une petite affaire? Ah, c'est une petite affaire. J'espère que vous n'en ferez pas une grosse affaire. Ben là, oui, c'est une grosse affaire, la petite affaire. Là. Vous êtes dans un lieu public, là. Vous jouez avec une petite affaire dans un lieu public. Ça mérite une belle contravention. Ben là, monsieur l'agent, je n'ai pas le mot de tel, mais vous faites de la publicité à mon émission de radio. Comment ça, vous avez de la radio? Ben, je n'ai pas de la radio. Je fais une émission de radio. Faites de la radio. Ouais, oui. Vous n'avez pas une voix radiophonique trop tôt, là? Ben, c'est parce que, là, écoutez, je vais me mettre à chanter, vous allez me reconnaître. Oh, s'il vous plaît, non, sinon, double contravention. Pour avoir troublé la paix, 250$, puis pour avoir joué avec votre petite... Ben, voyons, on n'a pas joué, là, on n'a pas le droit de jouer. Non, on n'a pas le droit de jouer ici. On est sur Terre pour avoir de la misère. OK? C'est plus drôle, là. Va te coucher. L'absurde aventure... Oh, tu restes debout? 15 minutes encore. Ben oui, mais l'émission dure une heure et demie. Encore une heure et demie? Ben oui. Tu le téléchargeras sur Internet. Moi, mais j'aime pas ça parce que le son est pas bon. Hein? Comment ça? Le son est pas bon? C'est un excellent son? Non, il est trop bon. Il est trop bon. Dis donc, le son, c'est correct, il est pas bon, toi? Hey, on a des antennes paraboliques qui captent partout, même sur Saturne. J'ai eu des courriels de Saturne, ils m'ont dit « Hey, on est sur l'anneau, là, c'est merveilleux, on tourne, on t'écoute, on aime ça, on tourne, on t'écoute, on aime ça, on tourne, on t'écoute. » Hey, ils n'ont jamais eu un son aussi, même les petites radios poubelles là, qui gravitent autour de toute cette stratosphère, c'est rien. Ils me disent « On n'entend que de la publicité, là. » Ben oui, mais c'est correct, il n'y en a pas beaucoup de publicité. Aux demi-heures, c'est merveilleux, c'est limpide, c'est extraordinaire, des gens passionnés. Il y a un fou qu'il faudrait attacher le vendredi. Là. Il aime bien ça, il me note. Fait qu'on ne fera pas le coup encore une deuxième fois. Hein? C'est l'histoire de la menotte, la menotte, la menotte. Bon. L'absurde aventure de Laurence Reynaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé. Reynald Gagné. C'est pas vrai! Ben oui, voyons, non, c'est pas vrai. C'est plus que vrai. Aujourd'hui, le vendredi 5 avril 2013, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur Bertrand Soulier. Bertrand Soulier, né à Livry-Sargan, si vous l'avez entendu la semaine dernière, là, il nous a chanté cette chanson-là. À Saint-Denis, le 28 décembre 1970, il est un chanteur, auteur, compositeur français. Passionné de musique dès sa petite enfance, il commence sa formation musicale à l'âge de 5 ans. Conscient de la nécessité d'approfondir son art, il décide finalement de parfaire ses études au Conservatoire de musique. Fasciné par le jazz funk de Miles Davis et de Walter Report. Walter Report. Allez pas là. Restez là. Bougez pas. Il apprendra durant son adolescence l'harmonie et la basse électrique. Au début des années 1990, des études littéraires le mèneront en journalisme puis à la publicité. L'amèneront au journalisme et à la publicité. Oh, oh, oh! Oh, oh, vive la Bretagne! Oh, oh, vive les cretons! Ton, ton, ton, soin, soin, soin, soin, soin. Soigne-toi, toi. Merci. Soigne-toi toi-même si tu ne sais pas te soigner. Pouvez-vous répéter? Non. Non, c'était une tirade unique et sans issue.

beaucoup d'argot, beaucoup de... D'anglicisme. Tu vois, ouais. Ouais. Et Les ch'tis, là, on a... moi, quand j'ai vu le Bienvenue chez les ch'tis, on a à peu près le même langage, hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que, oui, on nous fait... Oui, nous, c'est un peu... je pense que les ch'tis, c'est la version belge. Ouais, peut-être. Oui, non, mais d'après vous... Vous autres, les Français, un ch'ti, c'est pas... Ah, si. Oh, oui, oh, hein? Si. Oh, non, okay. Non. Non, c'est juste que... Non, c'est pour ça que tu ris. Suis... Ouais, parce qu'à chaque fois, je repense à Danny Boone, qui m'a pas, qui me fait pas beaucoup rire dans... J'ai pas trouvé Bienvenue chez les ch'tis incroyable. OK. Mais c'est lui, gueule. Mais lui, c'est spectacle. Oui, c'est incroyable. Ouais, il me fait hurler de rire, oui. Quoi. Oui, parce que c'est le changement de faciès. Oui, et puis il a des trucs... Il y a un côté de Jerry Lewis et Bourville. Il y a des fois, il est vraiment... Enfin, c'est, comment c'est, il fait, je me demande. Ouais. C'est de la haute voltige visuelle. Il y a un sketch qui s'appelle Mercedes-Benz. Je sais pas si tu le connais, ce sketch. Où il devient une vedette, il s'achète une Mercedes-Benz et en la garant, en fait, il rentre, tu vois, dans une vitre, un poteau, il abîme, donc il retourne à Lille pour la faire réparer. Et donc là, le chef de garage s'appelle Bibi, il est complètement bourré. Enfin, voilà, je n'arrive pas à voir ce truc jusqu'au bout. Sans ça, je te jure, je me pisse dessus. Il me fait, voilà, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, donc c'est pour ça que je souriais. Ok, parce que t'aimes beaucoup. Je trouve qu'il écrit vachement bien. Je trouve qu'il y a un vrai truc. Bah, c'est un ch'ti. Et c'est un ch'ti, ouais. C'est un ch'ti. Mais qui est audible. Mais oui. Mais c'est. Tu sais, c'est. Moi, j'ai vécu 5-6 ans dans le sud de la France, là. Je suis revenu à Paris l'année dernière. Mais tu sais, l'accent provençal, il n'est pas possible non plus. Enfin... Ben, je suis allé voir Galabru, la femme du boulanger, et c'est des Français qui prennent l'accent. Ouais. C'est merveilleux. Hein. Les gens aiment ça à cause de... Et il y a des commerçants, tu vois, des gens qui ont 50 ans, tu vas chercher tes clopes, les gens te parlent, tu les comprends pas. Tu pouvais pas... Mais voilà. Crois-tu, avec Internet, c'est de moins en moins vrai? Parce que moi, en 89, quand je venais ici, on ne me comprenait pas. Aujourd'hui, grâce à Internet, c'est plus facile. L'oreille se fait. Peut-être. Et puis aussi, tu sais, il y a l'avènement de beaucoup de... déjà, beaucoup de chanteurs québécois. Le problème, Des films qu'on cartonnait. Oui. Mais juste les chanteurs québécois ou les chanteuses québécoises, à peu près 60% de ces gens-là viennent ici et prennent l'accent français. Et ça, c'est dommage. Je peux te dire Rock Voisine, je peux te dire Isabelle Boulay, je peux te dire tous ces... Oui, c'est vrai. Mais tu peux... Richard Desjardins va toujours garder le même... Céline, elle n'a jamais lâché, quoi. Céline Dion. Non, mais elle devrait lâcher. Moi, c'est ça, elle devrait tout lâcher. Mais Diane Dufresne reste toujours... Robert Charlebois reste toujours avec le même langage, que ce soit à Paris, en Belgique, en Suisse, à Québec. Bah oui, puis surtout, tu parles comme tu es. Oui, effectivement, faire Frenchy, hein, pour bien paraître et pour avoir l'air un peu plus hautain ou amalgamé à l'environnement, je trouve ça épouvantable. Ah ben, je suis d'accord. Tu sais, c'est comme si moi, je vais à Montréal et je me mets à parler comme toi avec ton accent, tu vois, ça va pas marcher. Oui, mais ça fonctionne après trois bières. Non, ça fonctionne très bien après trois bières. Mais, oui. Trois bières et une poutine. Une poutine, ça, c'est un mets typiquement québécois. Frites, sauce brune et fromage. D'accord. Et après, tu te mets à parler... Tu parles toutes les langues. D'accord. Oui. Et tu renais de tes centres. Écoute, il faut être québécois pour se rendre là. Hey, j'ai 10 questions. Oui. Et tu réponds comme tu veux. D'accord. Et j'ai bien hâte de savoir si tu étais un liquide. Oui. Ça sera un mélange. T'aimes les mélanges? Oui, ça sera un whisky Schweppes. OK. Ouais. Pourquoi? C'est ma boisson préférée sur Terre. À partir de quelle heure? J'en bois plus, malheureusement. Ah, OK. C'est vrai, t'es rendu sage. Parce qu'après, je me lance dans mon deuxième métier, qui est boxeur. Ah oui? Ouais. Ah, donc, tu deviens violent. OK. Je deviens pas violent. Faut pas venir me casser les couilles, quoi. OK. OK. Et tu restes dans ton coin, mais quand quelqu'un... Exactement. Okay. Si tu étais... Ah, oh, ben heureusement, t'es au café, donc ça va bien, hein? J'ai pas trop de problèmes jusqu'à présent. En plus, décaféiné, donc les nerfs sont pas atteints. Voilà. Tout t'as vu, beau. Pas de cigarettes? Ah non, c'est vrai. C'est vrai, mais t'es fumeur, normalement? Oui. Mais t'as pas essayé des cigarettes électroniques? Non. Là, j'arrête, je suis content. Ça fait 5 jours que j'ai pas touché une cigarette. Hein, puis t'es parlable. T'as vu? Ah oui. Je t'ai envoyé 3 courriels hier, puis tu m'as pas dit arrête, connard. Non, ça vient. Mais peut-être que ça s'en venait, là. Si tu étais une ville. Si j'étais une ville. Je crois que je serais Londres. Je crois que c'est ma. À cause de la reine, hein? T'es amoureux de la reine, tu veux pas le dire? Bah, tu vois, c'est elle et moi, c'est pas bon. Ah, ça, oui? C'est, ah, ça, j'ai vu ça sur Facebook. Ça s'est pas, enfin, ça s'est pas su tout de suite. Ah, enfin, voilà, ah, je veux ah, pas. Ok, voilà. Non, non. Mais je préfère pas trop en parler, ça reste encore assez oui. douloureux. Ok, oh, oui, ok. Trop ouais. c'est long, ouais. Exactement. Oui, c'est très douloureux. Surtout quand tu te lèves. si tu étais une langue. Une langue. Je serais entre les cuisses de Grace Kelly en 1957. Mais pas en 2011, en 2012, parce que l'odeur... Doit... Bah, elle a plus de cuisses. Non, c'est ça, elle a plus grand-chose, ouais, entre l'odeur. Okay. Il y a juste la couronne qui reste. Oui, enfin, oui, oui, oui, mais pourquoi... Tu sais que là, on est, tu sais que ça, si tu le diffuses, on est interdit de Russie, on ne peut plus jamais aller à Monaco. Ah! Oh. Ouais, c'est fini. Ah, fait que tu veux que je chanceux? Tu pourras plus. Tu veux que je chanceux? Ben, Philippe Catherine. Catherine est interdite de Russie, tu crois? Non, non, non, ben, il a fait une chanson sur la reine d'Angleterre et je t'emmerde, la chanson. Là. Je suis la reine d'Angleterre et je vous emmerde. Ah oui, Catherine. C'est vrai, c'est vrai. Non, puis, ouais, ouais. On le diffuse avec ben, cette voilà, chanson. Et, ben, ouais. Et voilà, on sera... Ben, d'accord. Moi, ah, mais c'est vrai, c'est ton endroit préféré, moi je m'en fous. Ouais. Ben ouais. Non, c'est ben non, là on parlait de la princesse de Monaco, mais... Oui. Mais la reine d'Angleterre, elle est le Canada, c'est oui, oui, malheureusement. Oui, oui, oui, je pourrais te montrer un billet. Ouais, ou ouais, visage, ouais, c'est chaud. Malheureusement, hein? Ouais, très chaud. Tu joues surtout avec le feu, sur là. La fesse, là. Ouais. Oui, bon, mais ça, je m'en fous éperdument. Bientôt, nous aurons René Lévesque, qui est un grand militant québécois. Lorsqu'on sera séparés dans quelques siècles. Oh non, non. Non? Oh non, non, quelques années. D'accord. Non, non. Là, c'est du café. Moi, c'est pas décaféiné, donc. qu'est-ce que je voulais dire à propos? Tu parlais de. Ah, j'avais une idée. Bon, en tout cas, ça reviendra sans doute. Si tu étais une époque... Ah non, une langue, on l'a dit. Une langue, on... si, une langue, on okay, a dit. Oui, oui, oui, oui, c'est vrai. Si tu étais une époque... L'époque victorienne. Pourquoi? Parce que c'est mon époque préférée. Londres, 1880, 1890. Londres, ouais, ouais. Ah, c'est vraiment la liaison. Je suis un grand fan de ça. Okay. Jack l'Éventreur, Whitechapel... Sherlock Holmes. Enfin, Sherlock Holmes, bien sûr. Enfin, voilà, je suis un grand fan de cette époque... Bah, je suis j'aime tout ça. Viens t'endormir dans la photo de ma classe. Nous nous réveillerons quand ils seront tous morts. C'est l'heure merveilleuse où la lumière se fait silence. Et la nuit comme une amoureuse garde pour elle quelques fragrances. C'est cette fille qui tient sa main comme on tiendrait une cigarette. Sous ce néon qui brille à rien, qui prie pour que plus rien n'arrête. Le jour et le noir. Le jour et le noir. Le jour et le noir. C'est l'heure opportune où l'on croit ces hommes libérés. Ils sont si beaux dans leurs costumes, comme prêts à être enterrés sous les plus grands capitaux du monde. Ils ont jonglé d'or et d'enfants. Qu'importe où retombent les bombes, ils pressent le pas vers le néant. Le jour et le noir. Le jour et le noir. Les clodos, les cigares. Ben méchant, Rita! Ben voyons donc, on voulait t'inscrire. Ben je sais, il faudrait que je raconte au public ce qui s'est passé. Ben ils ont une petite idée. Une petite idée? Ben non, ils n'ont pas d'idée, madame. Ils savent même pas ce qui s'est passé. Alors je relate les faits. Relate. Est-ce que le son est trop fort, madame? Oui, un petit peu maintenant. Un, deux, ça va bien. J'ai même plus d'écho, madame. C'est triste. Mon écho est mort. Et ça me met en beau tire-bouchon. Ça vous met en tire-bouchon? Ah oui, ah oui. J'espère qu'on va remédier ça durant les autres émissions. C'est, moi, je dis que c'est le ressort. Y a-t-il un technicien? Ah, il n'y a pas de technicien. Y a-t-il des chiens? Non, il n'y a pas de chiens. Ben, je vois des techniciens. Non, il n'y a rien. Il n'y a personne. Nous sommes seuls. Ça, c'est comme il y a 5 semaines. J'espère que vous vous rappelez. Au temps des guignols et de la blantelle, j'ai voulu me présenter comme pape. Ben oui. Il y en a un qui a démissionné. Là, à un moment donné, je me suis senti comme appelé d'une mission. Qui t'a appelé? Ben, il était 3h moins quart. C'était M. Bibelot. Et vous, mes chers amis qui n'avez pas voté pour moi? Nous te regrettons, mon grand mammouth. Et voilà. J'aimerais que tout le monde à la maison, là, même dans votre voiture, baissez les vitres. Baissez les vitres. Écoutez, là, j'ai encore une petite mainmise là, sur l'autorité. Au mois d'avril, on peut baisser les vitres. On peut baisser bien des choses, mais commence par baisser les vitres, toi, là. Après, on verra. Excite-toi pas trop le pompon, là. Baisse ta vitre. Merci, monsieur. Si je baisse ma vitre, allez-vous me donner des bonbons? Je donne pas de bonbons. OK, alors je la baisse. OK, baissez la vitre. J'étais où il y a 5 semaines, 6 semaines? Moi, j'étais perdu dans mes lectures. Vos lectures? Ben, je relatais toutes les faits journalistiques. Mais vous êtes un malade. Toi, très malade. Oh, je n'ai même pas besoin d'aller à l'hôpital. J'ai juste à prendre mes journaux quotidiens et à les lire et à le relire. Mais non, relisez pas les journaux quotidiens. C'est à chaque jour. Ben, c'est pour ça, quotidien. Ben, voyons. Vous vous êtes pas rendu compte, mon cher monsieur, que le pape avait donné son bleu, ben, avait donné sa démission. Ben oui, mais j'ai trouvé ça curieux. Ben, voilà. Il y en a un qui s'est présenté, là, un Québécois. Ah oui, pas le premier. Ben oui, le premier, Rénal Premier, c'est qui? C'est moi. Personne n'a osé mettre un petit crochet sur mon visage. Ben non, ils ont toutes peur de toi. Nous te regrettons, mon grand maman. Il est trop tard, mes grands poupoutes. J'étais l'aide pour tout remonter cette descente aux enfers. J'ai des phrases, moi, là, qui peuvent rassembler. C'est lesquelles? Ben, je sais pas. Aimons-nous les uns les autres. C'est déjà dit. Revenez vers moi, petits-enfants. C'est déjà dit. 3 petits tours et puis s'en vont. Ah, ça, c'est... Oui, ça a déjà été dit. Mine de rien, la voilà qui revient, la chansonnette. Ben oui, ça, c'est... Voyons donc, c'est... Oui, mais j'en avais une phrase pour moi, là. J'aimerais ça que, encore une fois... Nous te regrettons, mon grand mammouth. OK. Dernière fois, s'il vous plaît. Nous te regrettons, mon grand mammouth. Puis à genoux. Hé, moi, j'étais déjà servant de messe, mais à l'époque, il y a 11 ans. À l'âge de 11 ans, pas il y a 11 ans. À l'âge de 11 ans, sinon, ça faisait un servant de messe un peu... Ben oui, vas-y. Il n'y a pas de messe dans la messe. Il y a de la messe. Ben oui, il y a de la messe. Il est grand le mystère du Pacha. C'est dommage qu'il n'y a plus d'écho. C'est dommage, ça me met en beau tissimolac. On a acheté la console exceptionnellement pour ça, puis il n'y a plus rien. Il y a Pitoune qui ne veut plus coller. Je ne sais pas, allez-y donc. Ben, on ne peut pas, attendez. Non, il n'y en a pas. Puis là, il y a... Ah ouais, vas-y, on va partir. Il y a des gens qui n'étaient pas là, je sais pas, il y a 6-7 semaines, 8 semaines. Là, où étaient-ils? Ils écoutaient le nouvel album. Le nouvel, oui, c'est ça. Arrêtez d'écouter des nouveaux albums. Mettez-vous au goût du jour. Il y a des affaires qui se passent sur la planète. Le pape a démissionné. Rénal Ier voulait prendre l'Empire. Imaginez-vous, le premier membre de CKRL à être pape. On en aurait fait du changement, là. Pas à la station de CKRL, là, mais dans le monde entier. Là. On aurait fait la promotion. Rénal Gagné au Vatican. Hey, c'est fatigant, le Vatican. C'est très fatigant. Ah, oui, là, je suis même plus capable de juste à le lire. Quoi, le Vatican? Non, juste, ben oui, mais les grandes phrases du Vatican. Il y a eu des grandes phrases au Vatican? Ben, il y a toujours des grandes phrases, des longues échaudées. Échaudé. Ben, les religieuses, c'est chaud, là. Comment ça? Ben, à entendre tous les curés, les prêtres, les frères, puis les missionnaires, puis les petits serveurs de messe. Oh, mon Dieu! Qui leur dit, « Madame la religieuse, vous m'avez changé la vie. » Ben, voyez, comment cela, mon petit enfant? Ben, j'avais pas dans mon cœur d'amour. Et maintenant? J'ai de l'amour dans mon cœur. Oh, que c'est beau. Merci, ma sœur. Ben, de rien, mon petit champion. Ben, je ne suis pas un champion. Oh non, je suis un pêcheur. Ben, vas-y, moi, je te dis que le brochet est là-bas dans le lac. Dans le lac, dans le lac. Ben non, un pêcheur dans le sens que je pêcherai. Oh! Les rangs canadiennes complices de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Que c'est triste. Que c'est triste quand il n'y a plus d'écho. Arrête, tu vas tout gâcher ton émission là-dessus. Ben non, c'est déjà gâché. un, deux, mais non. OK. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle. Afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Docteur. C'est important, ça, un docteur. Docteur, avez-vous un docteur de famille, monsieur? Ah, non. OK. On va vous en trouver un ce soir. Ben oui, non, pasteur, là, il est quelle heure? Il est jamais. Monsieur, arrêtez de parler. À cette émission, je ne sais pas pourquoi... La temporalité est souvent répétée, Zécise. Et je ne sais pas pourquoi. Mais pour vous, monsieur, oui? Vous êtes malade? Ben, je vais l'être, là, parce que j'ai fait un petit mélange d'eau chaude puis d'eau froide. Ça s'est comme congestionné dans mon estomac. Premièrement, on ne dit pas un estomac, là. On dit un estomac. Ben oui, mais moi, c'est l'estomac. Et puis, excusez-moi, moi, je suis pas comme vous. Non, hein? Non, je me sens pas comme vous. Non, hein? Non, je suis bien mieux que vous. OK. Vous êtes mieux que moi. Oui, je suis mieux que vous. Mieux que moi. Oui, mieux que vous. Mieux que moi. OK. Alors, pourquoi tu fais ça? Ben, j'essaie de... OK, allez-y. Ben non, je vais pas. Ben, vas-y, toi. Ben, tout le monde peut y aller. Ben, oui. Ram, ram, ram, dans le tour du monde, le tour du monde, ram, ram, ram, dans le tour du monde, les dents du monde. Alors, ram, ram, ram, on a rien trouvé. Rien trouvé, sauf un médecin de famille. Le lien, hein, vous comprenez ça? Non, moi, je n'ai rien compris. On va le réveiller. Qui ça? L'avenir? Pas l'avenir, le médecin de famille. Ah, oh, mais voyons, c'est pas gentil. C'est très gentil. Attendez. Rita, on y va. Oui, arrête. Elle rit. Elle connaît déjà la suite. Allô, docteur? Et monsieur, ça... Docteur, ça va bien? OK. Vous êtes à l'émission Errance Rénaldienne. Connaissez-vous cette émission-là? Allô? Connaissez-vous Rénald Gagné? Allô? Connaissez-vous quelqu'un? OK. Bon, ça me rassure. Étiez-vous en train de dormir? Mais voyons donc. 1h du matin. Il n'y a pas 1h. Arrête donc, toi! Ouais. On ne te voit pas de médecin, toi, ça va être un spécialiste pour la matière grise. Ah, oh, non, il n'y en a plus. Comment ça? Ben, moi, j'ai mis du gris chez une barbula, là. Du gris, c'est tombé au blanc. Ah, mon, ça n'a pas juste tombé au blanc. Ça a tombé dans le ridicule, ça. Ah, c'est avec bien. Voyons, t'as-tu vu ta coiffure, toi, là? Docteur? Est-ce que l'esthétique a un lien avec vous? Ben, je le savais, moi, là. Êtes-vous esthétique? Refaites-vous? Refaites-vous? Il refait pas. Quand même. Il refait. OK, vous êtes un réparateur, vous. Wow. OK. Vous voulez pas parler fort parce que votre épouse est couchée. Vos enfants sont couchés. Est-ce que vos maîtresses sont couchées? Oh, on a vu quelque chose. Vous êtes un casanodrap. Et sous les draps, il y a beaucoup de draps. Ben là, vous allez avoir chaud, là. On est au mois d'avril. faut se découvrir de plusieurs fils. Mais monsieur, la grippe est très importante actuellement. Oui. L'avez-vous attrapé, vous? Aurez aussi? Aurez-vous assez de puissance pour aller guérir nos citoyens moyens? Parce que le citoyen moyen va où, lui? Il va à l'hôpital général. Il ne veut pas payer. Pas de privé. Public. L'école, pas de privé. Public. La connaissance, là, générale. Public. Pas privé. Faut tout savoir, là, de ce qui est dans le grand, grand, grand, grand, grand univers de... Comment tu voulais dire ça, toi? Ben oui, j'ai perdu parce que j'ai pas fermé la fenêtre. Il y a un courant d'air. Qu'est-ce qu'ils veulent connaître? Ils veulent connaître tout ce qui est commercial, là, tout ce qui est connu et reconnu, mais pas des trucs intimistes, là, souterrains, qui demandent un peu plus de recherche intellectuelle. C'est vrai, ça, monsieur? Les gens sont conventionnels. C'est dommage. D'après vous, c'est dommage, oui? Allez-y. Ouais. Bon. Ferons-nous des marginaux ici sur cette planète actuellement dans quelques minutes? Pas vraiment. On est marginal, oui. Et puis, on peut se transformer en original, mais si on devient un orignal, faut pas se faire tirer avant la première chasse. Sinon, la cigale ne sera pas fourmi. Et ça, c'est son grand défaut. Elle demandera à l'orignal, « Qu'est-ce que tu faisais, toi, quand tu le calais? » Calais, dans calais. Mais ça, c'est un chien, c'est pas un orignal. Oh! À tôt se prendre pour un orignal, on aboie comme le chien. C'est quoi, c'est-tu? Non, c'est rien. C'est une vision comme ça, un peu éparpillée. Ben là, écoutez, là, moi qui ai un mal de rein depuis 3 semaines, puis le médecin veut pas me soigner parce que je suis dans un hôpital pas privé, donc public. Ça fait 25 heures que je suis là, là, puis je suis barré à 40. Avant ça, j'étais barré à 25, puis ils m'ont barré à 40. Ils m'ont dit, hey, si on va vous faire patienter encore un bon 20 heures, vous allez être barré à 10. Mais normalement, vous devriez sortir barré à 0. Moi, sans aucun chiffre, là, je me suis levé, puis je me suis barré. Bring my coffee in my favorite cup. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love it so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know? I just love her so. She's my little woman. plaît là-dedans? C'est le côté mystérieux, c'est le côté... Je sais pas. J'ai dû voir des films quand j'étais môme, ou lire des romans type Wells, La machine à remonter le temps. Ah ouais, ou je sais pas, c'est un truc qui me... Déjà, c'est une époque que je trouve très riche artistiquement, tu vois, beaucoup de grands compositeurs de musique, beaucoup de bonnes pièces de théâtre, beaucoup... évidemment la littérature, tu vois, beaucoup de choses super intéressantes. En Angleterre, tu vois, je pense à des gens comme Poe. Voilà, c'est une période très... c'est vraiment l'apogée de... Enfin, c'est la quintessence de l'intelligence occidentale et voilà, après tout se casse la gueule en fait, tu vois, mais là c'est... les mecs rigolent pas, tu vois, ils colonisent les pays les uns derrière les autres, ils s'essuient les pompes sur la gueule du monde entier, enfin tu vois, c'était des gens scandaleux en soi, on s'entend bien, tu vois, mais c'était une quintessence intellectuelle, une sorte de pleine révolution industrielle, les mecs, enfin tu vois, on faisait tout quoi, il y avait pas de ligne de chemin de fer, ben on se disait tiens on va faire une ligne Paris-Marseille quoi. Enfin, je sais pas si t'imagines, tu vois, les mecs rigolaient pas quoi. Voilà. Et je trouve que c'est une époque assez fascinante et voilà. Après c'était des sales cons les mecs, hein, tu vois, mais avec nos yeux du 21e siècle, mais à l'époque les mecs se posaient même pas ce genre de questions. Et encore aujourd'hui on fait des choses qui peut-être seront jugées dans les... Tu vois, je pense que c'est plus écologique ce qu'on fait aujourd'hui, ouais. ce qui sera jugé, mais je pense que ça sera jugé pour vite. La bonne En passant, est-ce que Soulier est ton véritable nom? Oui. Bertrand Soulier? Oui. Ouais, ouais. Ça vient d'où, Soulier? C'est, Soulier, l'étymologie, c'est probablement des gens qui étaient pingres, tu sais, qui radins. Donc du coup, ils avaient les souliers. Ah oui? Voilà, je pense que ça vient plutôt de là. Et des souliers, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu des super célèbres. Je sais qu'il y a eu un grand bourreau pendant la Révolution française. OK. Voilà. Il y en a un qui a trouvé un syndrome aussi. Alors, c'est en lien avec toi? Non. Ah. Non. Non, non, moi... Parce que tu me disais quand tu picolais, donc peut-être les ancêtres commençaient à... Okay. Sortaient ma hache. Là, c'est classique. Je rigolais pas. Bah oui. Au Québec, on fait ça régulièrement. Bien sûr. Bah je sais, vous avez des bons dépeceurs. Non, c'est parce qu'on se prend... Oui, mais on se prend pour des bûcherons, hein. On se prend pour des bûcherons, oui, des dépeceurs, oui. Et surtout, je reste dans une auberge de jeunesse ici à côté. Je ne peux pas très loin. Et moi, j'ai tendance à parler en dormant. D'accord. Et j'avais mangé ici, il y a un petit truc en sortant du théâtre, en tout cas traiteur de gueule, je sais pas, non, c'était asiatique. Hein. Je mange du bœuf 15 minutes avant de dormir, et là je parle, et là je suis tenu très agressif, mais en dormant. D'accord. Et j'étais en soie, je commençais à parler. Là je me rends compte que je parlais et je me suis réveillé. Et parce qu'il y a une jeune fille en haut qui dort, c'est des lits superposés. En haut, ça rigolait pas. Puis de l'autre côté, et là, j'ai dit, c'est vrai, je me suis vanté d'être Québécois aux jeunes filles. Puis là, ils ont fait un lien, le dépasseur. Nous, il n'y a aucun problème avec ça. Oh, bah ça. Si tu étais un mot. Si j'étais un mot. Slogan. Ben oui. Ben oui, puis en plus, c'est un excellent film de Gainsbourg. Exactement. Hein? As-tu vu? Ben oui, bien sûr. Hein. Ah oui, oui. C'est la rencontre Gainsbourg-Burkin. Si tu étais un aliment. Si j'étais un aliment, je serais de la jelly à la fraise. OK, pourquoi? C'est mon dessert préféré. Ah oui? Ah, c'est bien. Et là, tu n'as pas arrêté de manger de dessert? Là? Non. OK, pas encore? Non, non. J'espère, parce que là, à quoi sert la vie? Si tu étais une saison? Si j'étais une saison... Ouais, je serais l'hiver. Je crois que je préfère l'hiver. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'hiver, j'aime bien la pluie, j'aime bien... Parce que non, mais nous, c'est la neige. Non, mais vous, c'est l'enfer, enfin, tu vois. Ah, non, c'est bien. Non, mais... Oui. Nous, il pleuviote, tu vois, il neigeote, enfin, voilà, c'est... Mais j'aime bien, je trouve qu'il y a une douceur... Oui, en plus, c'est très londonien. Oui, et puis, tu sais, les filles ont des bas, avec des bottes qui montent haut. Enfin, j'aime pas, c'est tout mon côté fétichiste. Ah oui, Jack... Chloé Monk, ça emporte et... Ah bah, voilà, mais... Je ne passe jamais après l'imbassion. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est plus sage, hein? T'es rendu sale, vraiment. Si tu étais un moment... aurais-tu rêvé d'écrire pour Bachon? Avez-vous un peu le même univers? Est-ce que tu t'y rattaches un peu? Ou au contraire? Ah, déjà, on a un ami commun qui est Jean Fauque. Oui, que j'ai passé un cheveu de rencontrer, mais son agenda, là, il est en train de rectifier ses chansons au droit d'auteur. Oui. Ouais. Donc, ça sème, hein? Ouais, c'était assez serré. Là, pendant 7 semaines au complet. Là. Et donc c'est Jeannot, c'est un très bon pote. Je sais pas, je connais, j'ai beaucoup d'amis qui ont bossé avec Alain. Je suis très pote avec Jean-Louis Pierrot,

la Voie lactée, décrocher, décrocher, décrocher de la Voie lactée. 10 millions de gens sur Terre et plus de personnes dans la misère. Même si ce soir nous prions, tournons les fanfarons. Nous les fanfarons, nous ferons une chanson à l'unisson pour rêver. Cherchent leurs parents dans la recette de l'amour, mais qu'ils retrouvent un humanisme. Ça a presque bien parché, non? Ça a bien fonctionné jusqu'à temps que le cerveau se place dans la méridienne nord. Non, c'est sud. Ah oh, oui, sud. Mais c'est pourtant bien. Et pour faux. Comment? Faut pas aller vers le sud trop souvent. Les cancers de pose. Des proses inexactes et de faux actes, bien sûr, manqués. Moi, j'ai manqué d'oxygène à la naissance. Oui, ça fait de moi un excellent animateur. Bravo, merci. À la prochaine. Au revoir. Comme le mentionnait Jim Morris, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un moment de frayeur. Mais voyons, j'étais en train de brasser ma sauce à spaghetti. Quand le Yeti m'a dit... Écoute, c'est Coéril! Qui? C'est Coéril! Ah, pas la station de radio! La station de radio! Là, avant que je trouve la radio, avant que je trouve le mammouth... C'est pas un mammouth, c'est le Yeti! Le Yeti mammouth? Les yeux me brûlent. Comment ça que ça brûle comme ça? Ben, il y a de la fumée ici! Il y a pas de fumée! On manque d'oxygène! Oh non, pas Diane Dufresne! Oh non, non, Diane! Non, non, pas exact! Non, c'est une blague! C'est vrai que les yeux me coulent. Si vous me regardez sur Internet, là. Non, on va zoomer, madame. Allons-y. Zoomons. Regardez. Ah, je pleure. Ah, bon, OK. Dézoome. Je dézoome. Oh! On zoome et on dézoome ici. Mais là, je peux pas lire, là. C'est vrai, hein? J'ai des larmes. Je larmoie comme un pauvre chagne. Comment? Un triste monsieur. Oh oui. Un triste monsieur qui cherche sa chance, le triste monsieur qui regarde sa ganse. Comment? Comme Abel? Abel ganse. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Renadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Vous deviez être une grenouille à grande gueule, non pas parce que vous causez trop, mais parce que vous prenez les mouches facilement. C'est bon, ça. C'est un bon texte. C'est un très bon texte. Est-ce qu'on peut le répéter? Non, on répète pas. C'est unique ici. C'est un sens unique. On n'a pas le droit de reculer. Regardez sur votre rétroviseur. Ah oui, il est beau, hein? Ben, il est très beau. Je l'ai installé hier au soir. Tout se passe dans ta vie hier au soir. Ben oui. Parce que c'est là qu'on appelle... Ouvre les guillemets. Jean-Marc, ouvre les guillemets. Mais là, j'ai de la difficulté à ouvrir ma bouche. Arrête la grenouille, là. Ouvre les guillemets, très grand. Moi, je mettrais 6 pieds d'ouverture vers le début, puis 6 pieds vers la fin, parce que si on sort, il faut rentrer. Puis si on rentre, il faut sortir. Là. C'est entre guillemets, OK? T'as-tu compris le principe? Attends un petit peu. Excusez-moi, là. Je perds mon langage francophone. Une citation, mon petit champion, c'est 2 points. 2 points. OK? Ouvrir les guillemets. Là, on va citer quelque chose, puis après ça, il faut fermer les guillemets. Si on les ferme pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça se terminera plus jamais. Oui, c'est ça. Ce sera quelque chose qui sera interminable. On peut dire infini. Infini, ça sera infini. Comme tu dis, là, désuni. Pas désuni, infini. Infini. Infini, ton improvisation. Pas fini, mon ami. Non, mais j'ai même pas ouvert les guillemets. Je te demande d'ouvrir ça de 6 pieds. Pas 6 pieds. C'est combien en mètres? Oh, je suis pas en mètres, moi, je suis en pied. On m'a dit. Excusez-moi. On m'a dit hier au soir, toujours hier. Ben oui, moi je te le dis, moi. En fait, Excusez-moi, j'ai comme eu un courant. Un courant d'air. Non, non, c'est un courant de bière. Non, non, il n'y a pas de bière. Non, il n'y a que de l'air. Yo, ben voyons, depuis quand il y a de l'air? Ben, il me semble que si la vie existe, si l'humanité est ainsi, si on peut se dire bonjour, bonsoir, bonne nuit, à la prochaine, si on peut communier... Hey, ça, mon petit côté papal, comment ça vous m'avez pas élu, là? Rénal Ier, oh, quelle belle vanité pour un animateur précaire, là, hein? Un gars qui a pas d'avenir, là, qui va finir comme tout le monde. Qui va frapper son mur un jour, là. On frappe toujours notre mur. Toujours notre mur. Souvent, c'est à la fin de notre existence, là, pow, fini. Quelquefois, c'est avant la fin, puis là, la dernière terminaison, là, on balbutie, comme disait Brel. On balbutie, on a l'œil qui divague. Mais chez ces gens-là, Mme Tremblay, chez ces gens-là, on ne compte pas. Ouf. On peut compter, mais on ne sait pas ce que c'est que l'infini. T'as-tu ouvert les guillemets à six pieds? Mais non, j'ai pas ma mesure. Bon, là, je suis pas au pied, moi, je suis au maître. Au maître, oui, monsieur. Alors, le maître te dit d'ouvrir de six pieds. Non, pas ce maître-là. Le maître de taille. Le maître de taille, oui. On va te la tailler, là. On va te la couper, là. Tu connaîtras plus rien, toi, là. Ta vie est finie, là. C'est nous qui menons. On menons. Simonon, c'est nous qui menons Simonon. Savez-vous comment on peut faire? Attention, là, c'est un scoop. Comment on peut faire pour mener Simonon? Ben attends, là. On doit lire tous ses livres puis comprendre sa stratégie. T'es un cinglé, toi, là. Lire tous ses œuvres puis connaître sa stratégie. Mais non! Pour mener Simonon, là... Attends un peu, je l'avais. J'avais la chute, je l'ai perdue! Attendez. Oui, c'était excellent, la fin, là. C'était excellent. Mais là, peux-tu mettre... Oui, on va le mettre. Oui, bon. C'est monsieur, vous êtes devant un grand néant. Et je suis très heureux de vous le présenter. Ce n'est pas le désert de Brahma. C'est l'errance rénaldienne. C'est un nouveau désert? Non, non, non, non. C'est un long chemin qui ne finit plus d'en finir et qui, devant cette grande structure de temporalité... Mais non, cette grande structure de quoi? De va-et-vient. Si je dis de va-et-vient, les gens vont faire un lien avec « Ah oui, c'est Jane Birkin et Serge Gainsbourg. » Mais non. Va-et-vient, c'est-à-dire que lorsque on ne sait plus où aller, on revient. Puis on se dit que peut-être que si on s'est trompé dans la vie, parce que ça peut arriver, là. Ça peut arriver. On n'a rien. Non, hey, attends un peu, là. Ce que tu viens de dire depuis le début, là, c'est rien. Mais non, mais oui, c'est tout, c'est infini, OK. Ouvre tes guillemets à six pieds, toi. Ben, moi, je suis en maître. Ben, lâche les maîtres, puis lâche les pieds. Ben, là, t'avais une très belle finition, là. Ben, ouais, moi, j'ai dit, faudrait peut-être la limer. La limer serrée. Serrée. Oui, serrée. Hé, monsieur, pardonnez-lui, parce qu'il n'a pas été pape. Rénal Ier. Faire comme. Faut faire comme. Comme la com, comme il faut. Faire comme. Faire comme. Faut faire comme. Comme la com, comme les stars, comme le devoir. Faire comme. Faut faire comme. Comme la com. Comme tout le monde. Tout le monde qui fait comme tout le monde. Faire comme, faut faire comme, comme la com. Faire comme toi, faire comme moi. Faire comme, faut faire comme. Comme le fer, comme l'acier, comme les affaires. Comme on se fait chier. Comme, faut faire comme. Comme ceux qui font, comme ceux qui touchent le fond. Faire comme la com, faire comme. Comme, faut faire comme. Comme un avion sans... connais bien les histoires dans l'histoire et voilà. Écoute, je crois qu'il s'est bien débrouillé sans moi. Voilà. Mais est-ce que c'est un regret de ne pas avoir travaillé avec? D'avoir connu le personnage, d'avoir pu... Je vais t'avouer un truc, à chaque fois que je rencontre quelqu'un que j'ai admiré, je suis toujours... Je l'ai croisé, moi, Alain, plusieurs fois, hein, mais... toujours un peu déçu, en fait. Ok, en dehors de la scène. Donc, ouais. Donc, tu vois, je suis... Je suis content de ne pas avoir fréquenté... Ok, il reste encore dans tes rêveries exactement. Comme le personnage. Exactement. Même si, avec le temps, j'ai appris à dissocier la vie des gens de leur travail, tu vois. C'est-à-dire tu peux être un gros connard type John Lennon et être un songwriter illuminé. Mais un batteur de femmes qui a fait des choses incroyables. Mais c'est un batteur de femmes et un batteur de funk. Il était incroyable. Oui, ben, il battait tout. Ouais. Mais je bats ma funk. Oui, c'est ça. Oui, ben, oui. Ah, il comprenait pas très bien la signification des deux. Il aimait bien la métaphore, donc il l'utilisait après. Et, Bah, tu vois, je pense que si Alain m'avait appelé en me disant « Salut Bertrand, c'est Alain, est-ce qu'on peut se voir? Je voudrais travailler avec toi. » Je pense que j'y serais allé, tu vois. Voilà. Mais c'est pas un regret. Tu vois, j'aurais préféré... Gainsbourg ? Non, j'aurais préféré, tu sais, aller à la kermesse de Liverpool quand McCartney rencontre Lennon en 57, tu vois. Et de glisser là en disant hey, « Eh les gars, c'est moi le Frenchie, vous allez voir. » Okay. Tu vois, c'est le fantasme absolu, tu vois, de retourner dans le temps et de rencontrer Lennon, McCartney et de t'infiltrer, toi, sachant l'histoire. L'autre fois, je faisais une émission sur France Inter et puis l'animatrice me dit... Laquelle? Parce que j'écoute France Inter. Je sais plus quelle est... Est-ce que c'est l'émission d'été ou... parce que là, depuis vendredi, c'est... La grille d'été, ouais, non... Je sais plus quelle émission c'était. Ah, c'était peut-être pas France Inter, c'était peut-être France Bleu. C'est une nanette qui s'appelle Elodie, je sais plus quoi. Et c'était quoi le but de l'émission? C'est une émission, parler de moi ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Alors, tu sais, il faut être chanteur, donc super humaniste et voilà. Et puis elle me dit, voilà, on a un jeu en fait. Les chanteurs posent une question et puis donc t'en tires une que des gens qui sont venus avant toi voilà, ont posé. Et puis toi, t'en écris une. Ok, je comprends. Voilà. Ah oui. Le chapeau, tu dans le chapeau. Ouais, et donc je réponds à la question de je sais plus que. Je sais plus que. Thomas Fersen, je crois. Ah oui, enfin, bon, ah, oui. Et puis moi j'ai mis une question parce que j'aime bien les chanteurs. J'ai mis. je me suis dit, si tu avais le choix, est-ce que tu préférerais trouver le moyen d'en finir avec la fin dans le monde? Oui. Voilà. C'est-à-dire que la fin dans le monde n'existe plus. Ah oui, mais là, je sens la petite vache derrière moi. Ou être, ou être Paul McCartney. OK. Voilà. Et toi? Peux-tu répondre à ta propre question? Ouais, très honnêtement, c'est un truc de fou, hein, mais... Paul McCartney. Ouais, je crois, ouais. Ouais, oui, mais écoute, on peut pas... Tu vois? Et c'est grâce à toi, je viens de m'apercevoir, je suis vraiment le dernier des salopards. Non, mais non, mais écoute, pourquoi mais c'est dans ma mimique, dans mon regard feutré? Non, mais... Il n'y a aucun problème. Il faut savoir s'assumer. Est-ce que tu préfères sauver le monde ou... Non, mais là, t'as arrêté de fumer. Tu vois. Ok, de un. Ouais, c'est pour ça. Sauvé. C'est pour ça. Parce que j'aurais mon paquet de camel, j'aurais jamais répondu non, ça. Non, mais non, je sais. C'est parce que je deviens dingue. Oui. Si tu étais un membre corporel. On est diffusé aux petites heures, là. Il est minuit. Le cerveau. Ah. Oh. Ouais. Ok. Pourquoi? C'est ce qui te permet de travailler? Ouais, c'est ce qui me permet de travailler. C'est. Je m'arrangerais pour pas faire d'AVC, tu vois, pour pas faire d'attaque cérébrale. Non, mais comment tu peux faire ça, là? J'arrête de... Tu penses de pas en faire. Voyons. Je sais pas, je me parlerais à moi-même, tu vois. Ouais, mais ça peut être louche. Et tu peux finir en maison comme Nelligan, en maison de repos. Ouais, d'accord. Ou Artaud. Ouais, d'accord. Le génie, ça a des marteaux, mais il y a des fois que ça rend marteau. Hein. C'est vrai. Gainsbourg. C'est vrai. Mais... Mais t'es-tu du genre à faire attention à toi pour pas qu'il y ait... Mais tu rigoles, je fais attention à rien du tout, je suis une épave. Ok, ben voyons maintenant, mais tu fumes plus, tu bois plus, une épave propre et voyons, tu veux... Je fume plus, je bois plus depuis 5 jours, si tu veux. Ok. Donc voilà. Ça, c'est après la dernière méga cuite. Non, ceci dit, ouais. J'ai vraiment arrêté il y a un an, ouais. J'ai, ok. Voilà. Depuis, tu vois, je rebois de temps en temps, je fais... Je me prends une charge de temps en temps, mais rien de... Ok. Voilà. Rien de problématique. Voilà, j'ai arrêté de faire le poète maudit. Maintenant, j'écris à jeun. OK. Mes chansons veulent enfin dire quelque chose. Oui, oui. Il y a beaucoup moins de métaphores. Au lever, tu comprenais pas, mais là, c'est merveilleux. C'était voilà. Le moment où j'étais ébloui. Exactement. Il y avait la flamèche. C'est trop tard, mon amour. C'est trop tard, mon amour, tu sais. Sans joie, je défais pour la première fois comme un bouquet de fleurs, ce lilas. C'est trop tard, mon amour, c'est trop tard, mon amour, pas vrai? Bientôt à mes bras d'autres mimosas et mandragore dans ce lilas. C'est trop tard, mon amour, c'est trop tard, mon amour, je m'en vais. Je fais, je refais en souvenir de toi un peu l'amour dans ce lilas. C'est trop tard, mon amour, c'est trop tard, mon amour, exprès. Demain, au creux des draps, d'autres sorties, cheveux d'Alia dans ce lilas. Général Van Cleef, Christopher. À tous ces lilas qui se meurent, Engels et DVD, le lecteur, sous la télé couleur, des heures durant devant laquelle je pleure, Spike Cooper. Quand je pense à tous ces lilas qui se meurent, ah, ah, ah, ah. Trop tard. Ah, ah. Secondaire, il y en aura à me rouler dans ce lilas. C'est trop tard, mon amour, écorchure et trauma gêné. Sur mes blessures du sparadrap, vu que je me plantais chaque fois dans ce lilas. Général Tommy Bruce Christopher. Quand je pense à tous ces lilas qui se meurent, en gants et DVD, le lecteur, sous la télé couleur, des heures devant durant lesquelles je pleure, Spike Cooper. Quand je pense à tous ces lilas qui se meurent, ah, ah. C'est trop tard, mon amour, c'est trop tard, mon amour, tu sais. Ne fais pas le lit, pas la cuisine, ne fais pas envie, non, fais ce qui te plaît. C'est trop tard, mon amour, c'est trop tard, mon amour, tu te tais. Ne fais plus le lien, il est défait, ne fais plus illusion, non. Je m'en vais. C'est trop tard, mon amour. C'est trop tard, mon amour. Il était. Une fois de plus, une fois de trop. Il était temps, il était beau, c'est vrai. C'est le trottoir, mon amour. C'est le trottoir, mon amour. Ce que je fais. avait des palmiers géants. Et moi, cerné des lumières d'autoroute, comme des portes vides, comme à l'entrée d'un monde immaculé. Bordé d'autoroute sur une route, il y avait des palmiers géants comme des portes vides. Il y avait des palmiers géants comme à l'entrée d'un monde. Cerné des lumières d'autoroute, comme des portes vides, comme à l'entrée d'un monde. Immaculé comme à l'entrée d'un monde. Cerné des lumières d'autoroute comme des portes vides, comme des portes vides. Et moi, comme à l'entrée d'un monde. Immaculé. Détournons la réalité. Ben, ça fait à peu près depuis le début. Non, c'est depuis la naissance de l'émission. Comment ça, t'as fait un visage comme ça? Les gens l'ont pas vu. Non, non, mais oui. Oui, sur la télé. Mais voyons donc, c'est une radio, c'est KRL. Ben oui, mais il y a la télé aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben oui, c'est KRL. Errance Rénaldienne est enregistrée d'une manière sonore. Oui, ça, c'est les oreilles sonores, hein? Attends un peu, on va demander à Sonore. À Connard? Non, Sonore. Connard, Sonore. Non, non, il ne s'appelle que Sonore. Ouais. OK. L'avons-nous? Je crois que oui. OK, vous êtes Monsieur Sonore? Est-ce que vous sonnez? Répondez-vous quand on sonne? OK, c'est bien. Non, non, c'est déjà très, très, très affirmatif. Vous l'êtes dans la vie? Vous n'êtes pas comme mon idole? Oui, bon. Mais y en a-t-il des idoles dans ta vie, mon Rénal? Je réfléchis, là. Ça s'en va. Ça s'en va et ça revient. Okay. Monsieur! Oui, OK. Non, mais je peux pas dire oui, je peux pas dire non, là. Je suis trop excité. Je suis comme un adolescent prépubère, là. Non, non, vous aussi, monsieur? Non, OK. À côté de nous, il y a des mots, des phrases, des significations qui sont très souvent codées. Ça, vous le saviez? Bon. Alors, vous avez, bien sûr, la machine. Et puis, vous l'avez, la machine. Juste à dire ça, là, les gens ont vu les majuscules de tout ça. Là, hein? Ils ont dit, ah, c'est pas une petite affaire de rien, c'est miniature, il y en a un ting-a-ting-a-ting. Non, ça vient pas de ting-a-ting, c'est la machine. Là. Ça vient des États-Unis, là. De moins en moins unis, là. Des États-Unis, hein, monsieur? Bon. On va décoder sur ces affaires-là, là, ensemble. Détournons encore une fois la réalité. Survolons la déraison et l'incohérence comme seul votre déboucheur de paradoxes sait le faire. Décollons. Détachons-nous de tout principe de cohérence avec cette inspiration novatrice. Et là, je l'ai lu pendant mon ami Philippe Léotard, là. Devant l'autoroute, il n'y avait que des croûtes. Et puis moi, je me suis dit, ben, je vais me rentrer dans cet imaginaire-là, là, dans ce que je vais vous lire là. J'avais de la difficulté quand même à trouver un sens à cette phrase et surtout un sens à la lecture de cette phrase. Ça se dit comme c'est écrit. Et les découvertes ont beau jeu. Hein? Ça inspire qui, là, ce soir, là? Cette phrase-là, là. Et les découvertes ont beau jeu. Personne. Hein? Hein? Attention, là. Je regarde partout. Personne lève la main. Personne dit « monsieur, j'aurais peut-être quelque chose pour débuter. » Non, non, non, non. Hey, les gens sont comme rapetissés, là, hein? Cachés derrière leur chaise, là, diminués de leur inconscience. Là. Ils ne veulent même pas se mouiller. Et moi qui ne suis que moi, je vais devant vous me ridiculiser. En fait, c'est pas... Je le sais, je l'ai. Arrêtez de dire « je le sais, madame ». Non, c'est monsieur. Monsieur, arrêtez de dire « je le sais ». OK. À trop savoir, on ne sait rien. Alors, Jean, j'y vais. Oh! Tu voulais... Non, je voulais rien. Je n'ai rien demandé. Comment ça, vous sonnez à ma porte, monsieur? Vous avez une commande. Mais moi, je vous décommande. C'est une blague, là. Je sais pas, c'est le voisin d'à côté. Il n'y a pas de voisin. C'est deux voisines. Ben, j'ai des voisines qui rebabinent mon nom. Je sais pas, qui vous ont dit quoi? Rien? Bon, ben, OK, retournez chez vous, là. Comment ça, ça me coûte 25$? J'ai rien commandé, monsieur. Comment ça, une pizza, une patate, puis il n'y a pas de... Ben, la patate, et Madame Tremblay, pouvez-vous... Il vous parle, là. Tu es en train de me dire que je suis une patate? Ben, non, moi, non. Mais monsieur vous a traité de patate. Oui, mais il te regardait. Ben, il me regardait parce qu'il était trop gêné pour vous visualiser. Là. Il dit patate. Si je regarde la patate, m'avoir l'air d'une grosse patate. Fait que, Andros patate, là, dialoguez. Là. Hey, t'étais au monde des apparences. Non, je ne fais pas partie des mondes, non. Il n'y a pas de monde des apparences dans mon milieu. Moi. Dans mon milieu, il n'y a pas de milieu. Il y a juste du bord, des bords, des bords, des gros bords, des bords. Là. On peut pas se noyer d'un bord. Quoique, non, mais moi, je dis, il y a le milieu puis les bords. Oui, moi, je connais des gens qui sont noyés dans les bords. Ben, pas ces bords-là, là. Les bords de piscine, les bords de ruisseau, les bords de lac, les bords de mer, les bords... Les bornés, là. On les connaît-tu, les bornés? Il y en a des bornés. Il y a aussi des mornés. Oui, les mornés et les bornés, ouais. Mais les petits morts-nés, on les aimait, on les aime encore, on pense à eux. Ils nous ont enlevé un petit peu de nous. Mais en dehors de tout ça, là, les quoi? Ben, c'est les bordés, moi, c'est ça, vous débordez. Alors avant de se laisser aller dans l'autre émission qui suivra la nôtre, une émission comme la nôtre, heureusement pour vous, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres, c'est le Rénal. Et ce n'est pas mieux, sans vous parler, je vous chante, merci à la prochaine. Et monsieur, les gens reviendront pas, là, ça sonne faux. Oui, depuis le début, ça sonne faux. J'ai l'élégance d'un bordel et le cœur qui ne reviendra plus. Mais je te souhaite joyeux Noël. Moi je mets à l'heure les pendus. Les mois en R, ça sonne dans le vide. J'y danse jusqu'au crépuscule. Au pied du sapin, j'ai mis ma vie dans un grand papier ridicule. Circuit Carol, Christmas quand même. Christmas quand même. Ici l'ombre que tu tamises. Mais je me sens mal. En général, ici l'ombre, que c'est loin de Venise. Breakfast continental, ton corps 4 étoiles. J'ai des théories sur les cordes. Absence autour de minuit. Mais tous tes désirs font désordre entre une bûche et Jésus-Christ. Circuit Carole, Christmas quand même. Christmas quand même. Ici l'ombre que tu tamises. Mais je me sens mal. Un 18 juin dans cellulaire. si tu étais à un moment de la journée? Je sais pas, le... Mais pas à cette heure-ci, là. 11h30, c'est un rendez-vous peut-être un peu trop... Si j'étais à un rendez-vous de la journée... Non, un moment de la journée. Un moment de la journée. Soit l'érection du matin. Mmh. Ah, mais ça, c'est... oui. Voilà, soit l'apéro de 19h30 au bord de la piscine avec un rosé et des glaçons. Ouais, mais là, c'est voilà. Terminé. Alors, donc, tu restes dans l'érection parce que... Là, ouais. Okay. C'est encore ce que je sais faire de mieux. Oui, mais écoute. Puis en plus, c'est involontaire. Là, je te rappelle que je suis le cerveau. Ah oui, c'est vrai aussi. Hey, t'es complexe. C'est moi qui dis à l'hypophyse, oui. Balance la glaire cervicale. Ah oui, tu vois, fais aussi attention à la CV. Exactement. Aussi. Exactement, ouais. Hey, tu travailles beaucoup. Ouais. Comment tu fais pour gérer tout ça? Je dors. Tu dors, oui, ok. T'es somnolent, ça. Okay. Si tu étais un autre individu. Qui j'aurais aimé être? Ah, compliqué ton truc. Qui j'aurais aimé être? Ben, Paul McCartney, non? Je vais pas t'en souffler non plus. Zinedine Zidane. Non, j'aurais pas aimé Zinedine Zidane. Aimes-tu le sport? Ça m'aurait dérangé d'être imbécile. Oui, aimes-tu le sport? Crois-tu que pour être sportif, il faut déjà pas en avoir? Cours! Ça n'a pas trop de... J'aime le sport, ouais, non. Quand j'étais petit, j'étais très fan de tennis, ça m'a passé. À cause des filles, hein? J'ai longtemps... Ouais. Ah ben oui. Ouais. Mm. J'ai longtemps été fan de Formule 1, ça m'a passé aussi. Okay. Le sport, ça me fait chier, je crois. C'est comme Churchill, no sports. Ok. Tu vois? Non, si j'étais qui... Si je devais être quelqu'un, prends un truc qui claque, tu vois. Louis XIV, pas mal. Churchill, pas mal. Churchill, pas mal. Oui. Churchill, pas mal. Churchill, pas mal. Ouais, je sais pas, un truc comme ça. Okay. Un truc, tu vois, qui change le monde. Ouais, un mec qui change le monde, mais qui en même temps se fait pas chier, quoi. Okay. Là, je pense que Gandhi, super et tout. Mais je pense que les soirées devaient être longues quand même. Marcher pieds nus, c'est difficile sur la galoche. Ouais. Et il faut que je lise ma dernière question. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Il y a deux, trois trucs que je referais pas. Ok. Est-ce que c'est professionnel ou... Les deux. Ok. Professionnel, personnel. J'ai fait deux, trois grosses conneries. Et dans la vie, il y a des conneries que tu finis jamais de payer. Tu les emmènes jusqu'au bout. Voilà. Si c'est à refaire, je ferai attention. Okay. Mais dans les grandes lignes, non. Et tu te vois comment dans les prochaines années? Tu te vois où? Tu te vois à quel niveau? Où tu te vois pas? Je sais pas. Il faut quand même que tu maîtrises ton ACV. Dans une dizaine d'années, je serais une sorte de Jean-Jacques Goldman avec du talent. Oh! Tu vois? Ok, est-ce que tu tournerais ta veste je comme rigole. Lui? Non, mais est-ce que tu tournerais ta veste comme lui? Jean-Jacques, si tu nous écoutes, je t'aime. Ok. Ok, mais tu te vois comme aujourd'hui, mais... Il y a une fois, il y avait... journaliste qui me disait pour qui rêveriez-vous d'écrire? J'avais dit pour Jean-Jacques Goldman, mais il m'avait dit mais Jean-Jacques Goldman écrit ses chansons. J'ai fait oui justement. Oui. Et donc il y avait une sorte de blanc. Oui. Parce que je pense que le journaliste aimait beaucoup Jean-Jacques Goldman. Mm-hmm. Et non, écoute, je vais essayer de continuer de travailler, faire mon boulot correctement. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon boulot. Et je le tiens pour un des plus jolis métiers du monde. Et voilà, je vais essayer de rentrer dans de jolis projets, faire les jolies choses et puis essayer de divertir les gens et voilà. Est-ce que tu vas élargir beaucoup plus ton côté soliste ou tes collaborations vont... Je sais pas encore. Ok. Je sais pas si... Parce que là maintenant, soit j'y vais très fort, soit voilà, je sais pas encore. Ok. Soit je prends ma retraite, okay. Soit je fais mes adieux. Oh, ouais, je fais ma première tournée d'adieu. Maurice Chevalier a fait sa carrière là-dessus. Exactement. Donc, tu peux relancer après. Charles Aznavour aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Ou je fais comme Paul McCartney, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je dis, mais si on reformait les Beatles, enfin, okay. Tu vois. Ouais, mais là, tout le monde est mort. Ouais, mais là, t'as vu, ils veulent le faire avec les enfants. Oh, ouais, ok, ouais. Ça commence à les Beatles Junior, là, ça commence. Ça commence à puer grave. Ouais, il y a des problèmes techniques qui se passent. Là. Ben écoute, merci d'être passé chez nous. Ben merci. Ben, chez nous, à Paris. Tu vois? En tout cas, ben grâce à. Merci. Oubliez, merci à vous en tout cas. Ben écoute, on va continuer à te suivre, à te poursuivre. le petit côté psychologique atteint. Et ben écoute, au plaisir de te voir à Québec pendant le festival d'été. Avec grand plaisir. Cette année, je pense que c'est difficile, mais l'année prochaine, ouais, très, ben parce que là, très c'est probablement. Les francophonies, donc on peut pas se déplacer. Mais peut-être que ton tourneur, tu as un tourneur. Oui. Bon, il va. Il faut qu'il appelle chez vous, quoi. Non, oui. Il faut qu'il. J'ai un tourneur un peu feignant. Ah, ok, oh, oui, bon. Il tourne pas beaucoup. Il fait sur place. Alors, il paye des tournées, mais. Ah, oui, oh, ok. Voilà. Ah, mais c'est intéressant pour les autres, ce gars-là. Ce serait bien de faire une tournée qui s'appelle C'est ma tournée. C'est ma tournée, oui. Et quand les gens s'installent, tu sais, tu leur payes des coûts. Oui, c'est pas mal. Oui, mais ça sera pas très payant. Ouais. Ouais, faut pas. Ou faudrait que tu partes quand même. Soit ta compagnie de vin, de bière. Ouais, on se fait sponsoriser par Ricard. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ce serait pas mal. Mais il faudrait que ça soit la tienne. Ah oui. Parce que ça coûterait encore moins cher. Mon vin, tu veux dire. Faut que je m'achète ton vin ou ta bière. Faut que je m'achète des vignes. Oui. Et je suis un peu fauché en ce moment. Donc, Ou des raisins, on sait pas. autour de. On sait pas qui. Ah, mais merci d'être passé. Hein, merci. À la voyure, comme on dit chez nous. À très vite. On le dit chez vous aussi, à la voyure. Oui, à la voyure. Oh, à la voyure. C'est du vieux français. Exactement, du vieux François. Oui, j'espère qu'il ne sera pas court-circuité. Salut, bye. Ben, merci bien, hein. ça a été très chouette. C'était super. Puis je voulais pas non plus que ça soit trop austère. Et, oui, ben, tu vois. Parce on n'est pas non plus à l'église. À un moment, c'est un peu chiant. C'est ça. Autant pour la personne qui répond aux questions. Moi, j'ai dit du mal de Jean-Jacques Goldman, j'ai fait mon métier. Mais veux-tu que je chanceux, sans blague, ça me dérange pas? Ah non, au contraire, ça te plaît. Pas ça. Les coups. Ah, ça te plaît, ça? Bon, tu vois, s'il n'est pas content, il me dit... C'est ça, hein, la provocation, j'avais raison. Hein. Non. Il n'en veut plus de la vie, il traîne un peu les pieds pour rentrer. Il n'habite pas tout seul au 17 de la rue d'à côté. Il ne l'aime plus, la dame. Il n'abaisse plus, la dame. Mais parfois même lui prend l'envie de la crever. Comme il rate toujours, tout à la fin, Monsieur Machin ne fera rien. Il reste dans deux trimestres, il reste tellement d'annuités. Comme un ours polaire qui regarde l'océan monter. Il bosse dans une boîte, qui bosse pour d'autres boîtes. Il aime le modem et le lait écrémé. Tous les matins, dès 9h01, Monsieur Machin à la santé. Il rêve révolution et puis s'endort dans les publicités. Il sait tout acheter, n'a pas tout remboursé. La mort à crédit mais sans frais de dossier. Il a 10 doigts, mais dès demain il changera rien. Monsieur Machin, écrire à votre animateur Rénal Gagné via le courriel au